بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous agissons à présent plusieurs causes pour nous trouver guidés. Et dernière cause là que nous avons, c'est que il faut que nous adorions Allah seul. Et je dis à nous qu'il y a une cause de guider qui est importante même. Et pour ça, nous qu'il lit en page entière. Oui, autres bien ton. Je dis à nous qu'il lit, nous qu'il médite, on est en page entière à dans le Coran. Allah qui a dit en Coran. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. C'est mon lan qui n'y foi et qui pas qu'à mélanger foi yo et puis quelconque injustice, c'est yo qui n'y sécurité a et c'est yo qui bien guidé. C'est yo qui n'y sécurité a et c'est yo qui bien guidé. Nous la semaine passée que verset là qui a montré que c'est moun lan qui pas qu'à faire polythéisme, c'est yo qui bien guidé. En nous continuer page là, même page là, en nous continuer pour nous voir ça Allah qui a dit nous après ça. Zot pe prend courant zot pour zot suivre puis moi. En nous aller sourate 6 verset 84. Page 138 là. Allah a dit nous. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajatin man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. C'est ces arguments là que nous bat Abraham. Les débat et puis peuple. Nous ka élevé en degré, c'est moun lan que nous l'est. Seigneur là, sage et y savant. Adam verset là, il n'y plisye bagay. Si vous méditez en l'histoire Abraham là, ou que vous Abraham teni en argumentation impressionnante. Par exemple, Nemrod, c'est un gouverneur rebelle. Il te ka pran koy pour en divinité. Et il te ka tué ce moun là. Alors, il te ka dit que c'est lui qui a décidé quittant ce moun là ka mort et quittant yo ka vivre. Comme si c'est lui qui c'est seigneur là. Alors, Abraham dit Allah ka fait soleil là vini de l'est. Alors, fait vini de l'ouest. Abraham dit, Allah qui a fait soleil là vini de l'est, alors fait vini de l'ouest. Nemrod pas trouvé pas en seule réponse à ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas changer direction soleil là. Ça, c'est un exemple parmi en lot qui a montré que Abraham tenait en argumentation exceptionnelle. Et après ça, Allah dit nous, quelqu'un a élevé en degré, c'est mon lan qu'il est. Allah ba Abraham science là. Et c'est puis science là et la foi que Allah ka élevé c'est mon lan degré. Et ça, ça a poussé nous pour nous apprendre. L'islam, c'est une religion qui a poussé ou apprendre. Faut pas ou rester dans l'ignorance. Après ça, Allah dit nous. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Et nous bay Isaac et Jacob. Nous bay Ibrahim, Isaac et Jacob. Kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qablu wa min dhurriyyatihi Daoud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Yo tout de nous guider yo. Yo tout les deux nous guider yo. Isaac et Jacob. Yo tout les deux nous guider yo. Et Noé nous guider avant ça. Et parmi descendants li, il y a David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est comme ça que nous avons récompensé ces bienfaisants. Hein? Allah a montré nous, à dans cet là, qu'il guide Noé et qu'il guide descendance Abraham. Il y a un lot prophète et un lot monde qui n'y la piété en descendance Abraham là. Et après ça, Allah a dit nous, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas salihin. Mais aussi, ini Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, Élie, yo tout c'est des moun qui n'y la piété. Wa Ismaïl, wa Yassa, wa Younous, wa Louta, wa kullan faddalna ala l'alamin. Et encore, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, yo tout nous favoriser yo et nous placer yo au-dessus de ces autres monde là. Et donc zot peut ouais que Allah cite ba nous en lot prophète et en lot monde qui ni la piété. Des monde qui c'est des exemples. Et Allah dit après ça: "Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim." Et aussi parmi parents yo et descendants yo et frères yo, nous choisissons et nous guidons yo en les envoie droite. Et donc Allah guide toutes ces mountains-là, toutes ces mountains-là que nous citer, que nous renons yo, toutes ces mountains-là Allah guide yo. Et c'est pour ça que Allah il a dit après ça, tout de suite après verset là, Allah ça il a dit nous ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. C'est Allah guidé Allah. Il a guidé ces mouns-là qu'il est parmi ses serviteurs-là. Et si vous avez fait polythéisme, alors tout ça vous fait, c'est qu'il vient caduque. C'est-à-dire, tout ça yo fait, pate ke vous a yen. Alors, tout ça yo fait, pate ke vous a yen. Zot 40 zot compte, tout ces moun ta la, tout ces exemples ta la, si yo te fait polythéisme, ça te ke y mène yo à la perdition. Alors, faut nous comprendre que polythéisme là, c'est un bagay qui est dangereux. Ensuite, Allah a dit nous, Oulaïka alladhina ateynahumul kitaba wal hukma wal nubuwa, fa in yakfur biha haoulaï fa kod wakkelna biha kouman leysu biha bi kafirin. C'est yo que nous bayo ce livre là, et jugement a. Et prophétie, et si Muntala pas kakwe, donc si Muntala c'est Mounlan qui était parmi peuple prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si yo pas kakwe, c'est Mounlan qui était la Mecque, et puis si Muntala pas kakwe, alors nous confier ça à d'autres moun qui pas karijetei. Et après tout ça, après nous presse fini page là, il était nous un seul verset pour nous méditer. Après tout ça nous lia. Zot wè que Allah cite ba nous en lo moun ki se des exemples. Et que zot peut trouver en la Bible là tout ces moun ta là. Et il dit nous que il guide yo. Tout ces moun ta là, Allah guide yo. Alors à présent, gardez ça Allah qui a dit nous. En dernier verset page ta là. Ça Allah qui a dit nous. Il a dit nous. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Poi. Méditez, faut nous méditer. Allah qui a dit nous ici que ces mountains-là, c'est yo que Allah guide yo. Alors suivez chemin yo. Suive chemin yo, tout ces moun ta la, suive chemin yo. Et dit, moi pas kamande zot en sel salaire. Dit, ô prophète là, dit, m'en pas qu'à m'en des autres en seul salaire. Mais t'as là, c'est un rappel pour l'univers. Et donc, si nous les guidés, faut que nous suivions tous ces prophètes-là. Ou peut pas venir, et puis en religion, que ces prophètes-là patent. Ou peut pas faire ça. Parce que tous ces prophètes-là, c'est Allah qui vraye yo. Ça, c'est logique. Tous ces prophètes-là, c'est Allah qui vraye yo. Et yo ni en seule religion. Tous ces prophètes-là, yo ni même religion. C'est pour ça que dans Sourate Al-Anbiya, Allah a cité plusieurs prophètes. Et il a dit, Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Religion zot, c'est-à-dire religion ces prophètes là, religion toutes ces prophètes là, religion zot, c'est en seule religion. Et moi c'est Seigneur zot, alors adorez-moi, alors faut zot adorez-moi. Dans verset là aussi, nous kawé même bagaille là, que toutes ces prophètes là yoni en seule religion, yoni même religion, hein, et que Allah guide yo. C'est pour ça Allah ordonné prophète Mohammed, il ordonné suivre chemin toutes ces moun ta là, toutes ces moun là qui ni la piété, toutes ces prophètes ta là. Allah dit prophète Mohammed là, Allah dit suive yo. Et donc si vous les savez, si vous bien guidé, si vous les savez, si vous en les bons chemins hein, pour aller en paradis, mandez-vous, est-ce que Noé et Abraham et ces autres prophètes-là, t'es qu'à dire que bon Dieu n'y en fils, ou que nous pouvons faire le signe de la croix? Posez-vous une question, t'as là. Est-ce que vous t'es qu'à croire en divinité? Qui c'est trois divinités? Est-ce que Abraham t'a ni croyance là? Est-ce que Noé t'a ni croyance là? Est-ce que Abraham t'a qu'à dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que Noé t'a qu'à dire la Trinité, le signe de la croix? Est-ce que c'est mon là t'a qu'à invoquer Marie? Posez comme question t'a là, est-ce que c'est mon là yo t'a qu'à invoquer aussi c'est mon là qui ni la piété? Si vous posez comme question t'a là, après ça ou pour méditer, et ou peut comprendre si ou en les bons chemins ou en les mauvais chemins. Et c'est ça la guider. Allah guider toutes ces monta là et il mande nous suivre chemin yo. Si ou pas suivre chemin ces prophètes là, ou pas en les la guider. Faut qu'on sache ça depuis à présent. Alors nous commander toutes nous toutes là. Faut que nous mander Allah guider nous. Faut que nous demandions à la guider nous en les chemins ces prophètes là, parce que nous peut pas venir puis un nouveau chemin, ça pas possible. Nous peut pas venir puis un bon nouveau chemin. Faut que nous suivions obligatoirement ces prophètes là. Alors nous demandons à la guider nous et guider toutes ces mondes en Martinique ainsi qu'en Guadeloupe et ces autres îles Caraïbes là. Nous demandons à la guider toute la terre en les religions ces prophètes là. Walhamdulillahi rabbil alamin.